Muy buenas, sea todo el mundo bienvenido al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache, podcast y programa de radio. No importa el orden, solo el contenido originado desde Contrabanda FM en Barcelona, desde el estudio central de Contrabanda, en su directo habitual de los martes por la noche. Un programa y podcast dedicado a los sonidos que emanan, que derivan de la cultura hip hop. Y ya sabemos que cada uno, cada una, se consume el audio de este programa pues como cree y cuando cree conveniente. Pero bueno, que sepáis eso, que en origen pues esto sale de Barcelona, de la zona cero, de Ciutat Vella, de la parte del barrio chino pegando con el paralel, desde el Ateneo Enciclopédico Popular, que es la actual casa de Contrabanda FM. Así que por delante tenemos los habituales 90 minutos dedicados a ritmos, a rimas, scratches. Ya sabes, todo lo que viene en cuanto a sonido de la cultura hip hop. Contigo en el control, presentando, seleccionando en todo lo que atañe a Distrito Apache, este que te habla y presenta DJ Hum. Ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le Allez, ouais, tu fais chier à comment? Faut qu'un loup y'a pas bon, ça commode. Pull up sans geler, ER de San Angeles. Faut pas être là que la commande. Si c'est à crade marée, je suis loin, ils ont pas démarré. Je suis Tom Chef Curry ou démarré. Aspiration du Queens, pas du marais. Enveloppe, j'ai la patte d'Imaria. Je récup un billet à Ria. A chaque crime, les trevises brisent. J'écoute pas Drake ou Trevis Beach. Fuck le jeu, je grimpe par l'échafaudage. Vision, je les ai déjà rodave. 2026, hégémonie. Vivent comme un légionnaire, c'est des momies. Quand ils dorment, j'envoie les obus. Zirus qui lui avis, je les éduque. Sont dans des bails de cornes de zébu. Peuvent pas faire partie du clan des élus. Frozen dans la besace. All in, soulève deux as. Au du lourd, gros, ils soulèvent des os. On amasse tout yen, dollars, pesos. Dans leur piège, jamais je saute. Je puisse qu'à la lac Aristote. Il me faut un palace d'Aristo. Dès qu'il y a la monnaie, c'est que j'arrive tôt. Ils font les riches, sont subventionnés. Hein? Ceux qui sont au top sont subventionnistes. À chaque track, sont subventionnés. Hein? On sort de 2-2-1, on cherche les égaux en 2-2-1. Toujours de 2-2-1, que des scores lourds, jamais des 2-1. Mais ça veut revient loin, comme je t'ai dit. Ou des sables laser de Jedi. Je reste droit, que je gagne ou je perds. Fuck Kouchner, le garab ou je perds. Flo T, j'ai en tête. Les gens t'es, je roule un géant pète. Je finis tout ce que j'ai en tam. Oz, je suis comme des Yoko dans le stade. La concu, je gobe, le jeu, je code. Fin des temps, je colle. Je gratte dans le temple, j'effrite ma salade. Ma Shida sur l'approche coigne. Je suis venu, j'ai mort, pas là pour jouer en fait. Pas de joint faux, frappe, non, pas de joint de foin. Font les gros, c'est des adjoints de foin, rax à l'infini. Y comenzamos esta entrega de Distrito Apache con el nuevo trabajo del rapper franco-senegalés Osiris Jack. Que des scores lourds, jamais des 2-1. Hegemonie es el título del nuevo trabajo de este rapper de la escena francófona, de la escena francesa, uno de los más destacados en los últimos tiempos, colectivo 667, y concretamente el track que escuchamos de su nuevo álbum, Hegemonie, es el que lleva por título también un número de The End, 221. Régime tyrannique à venir, à bientôt. Cada minuto hay cambios. Ya no se ven las trampas. Florecen los escombros. Florecen los escombros. Cada minuto hay cambios. Ya no se ven las trampas. Florecen los escombros. Quieren borrar los nombres. Solo es real la niebla. Solo es real la niebla. Solo es real la niebla. Solo es real la niebla. Pájaros en mi combo escapan, pero siempre vuelven. Solo el silencio es virgen, la libertad no es germen. Aquí una gota es lluvia, un solo copo invierno. Desde una grieta observo ocurrir el milagro y no me transformo. Humo de dry en los dedos y veo escapar las ondas. Se alejan las sirenas, oigo escapar las ondas. Pantalla en off espejo, tropiezo con mi rostro. Distinto cada día, pero siempre el mismo. Tiempo, muerte, trance. Para mí todo es cárcel. Tiempo, muerte, trance. Para mí todo es. Tiempo, muerte, trance. Para mí todo es cárcel. Tiempo, muerte, trance. Para mí todo es cárcel. Tiempo, muerte, trance. Para mí todo es cárcel. Tiempo, muerte, trance. Para recién estrenado el nuevo álbum del rapper de Valladolid, Eric Urano. Stalker, publicado con el sello madrileño Sonido Muchacho. Y de Stalker escuchamos el track Fujiku Nakaya, producido por Luis Ameba. Like I flow set to capture the souls when it's raptured. The toes when it's standing on business, that's ten tendons. The branches when it's deep rooted, the bullets that are extended. Stretching out the dead weight, closed gasket, elephant face, medicated bait. Twisted fate, high as heaven's gate. The mathematics, the magazine, with bullets added, gun blasting. The wall when it's four doors. The all black Honda Accord will have life insurance, car insurance, going to Bugatti Lemon Tour. I'm a poet, my pen's potent, the potion is spell rotin'. The streets in these white houses, same game, red and blue smoking. I'm so pyramid, the points, the alignment of the cosmic celestial position. The cardinal's point, Egyptian. The god element, more melanin. The felon in, never getting out of jail again. Life imprisonment, sentences, ran on Olympic sprints. The cold when it gains with the snow blow rocking it. Money pocketed, the block when it's hot and shit. The cops, prodigal son, pick, slop, chopping shit. Still the future holds me so accountable. The present choice that I'm making, here's the money countable. Stack bundles, the mad hustle minus the rustle. I'm still accustomed to the streets, just ignore some trouble. With a birth of a rebel, the devil with the earthly shovel. The body's a vessel, but the spirit's more so perfecto. The blunt's twisted like a presto, smoke gone presto. I am not a saint. Yo, I wrote this sober. I might have to take a break and smoke some ogre. So bipolar, the mind when it's over your head like solar. Siempre operando desde la sombra, el rapper californiano Lord Luminous, siempre soltando tracks a través de su plataforma en SoundCloud. Y este nuevo track suyo lleva por título God Flight. We was born thugs, nothing like them niggas, they some corn muffins. Stick it, get to bouncing like a pogo, we be pouring hubby. Moral of the story, play with blocks and we gon' tour some. And we not gon' stop drumming till we hear the force come. War ready, sent so many hits, they gave me store credits. More or less an AK-47 for you point desks. Real nigga blocker with the can, I get artistic. Thousands ends in a minivan, this a bar mitzvah. Hard body youngest in my circle, we who eat the most. Those closest to you, ones who hurt you, so I keep it close. Never cut it too close for comfort and the comfort sweet. Peace and all the brick, you finna count up a 200 piece. In the middle of the drought, I had to duck the heat. So if a nigga run his mouth, shoot off his fucking beat. Seen a couple hundred thousand out that comfort suite. I let these niggas run their mouth while I run the streets. I'm super reclusive, hardly get seen, every move is elusive. In that double law, ghost watching Fury and Usyk. My fury is ruthless, time to tell what you doing is useless. Telling time from a Prezi with the newest exclusive. Some new and improved shit, spend 200 on a sky dweller. Fly fella, ignores your wife because she too high yeller. Mind bender, niggas who pay their way can't afford to roam. Used to call my connect from collect on a cordless phone. All alone, vivid shootouts with some undercover cops. 100 shots, delete everything I see when it come to ops. Yeah. Here's the twist with a sudden plot. We'll be outside whether the night is cold or the sun is hot. Who wants your spot? I'm on a level all by myself, player. Shell sprayer, home of the heinous sins and failed prayers. Yeah, made 100 quick in a comfort suite. I let y'all niggas run your lips, I used to run them streets. Got that out the mud demeanor. Tasted the paper and none was sweeter. Son of leave. Se juntaron para un nuevo EP los rappers Ransom y Boldy James junto al productor canadiense Nicholas Craven. Salvation for the Wicked es el título de este trabajo, donde encontramos también a OT The Real colaborando en este track titulado Field of Nightmares. They talked about me being solid, still straight to this day. Broke a pound down for my two youngins, here's eight and here's eight. I'll feed you, reeing up off me's how you pay for the plate. The sound when the blade's in his face is all you should say to a snake. And if there's beef in the air, it's cause we raising the stakes. Making these plays out the comfort suite. You dig? Ask around, who really run the streets? I judge you by whom you see as a worthy adversary. Wow. I'm close to rich like Cadbury, like to snatch a tad hairy. Just can't have no toxic chicken yapping near me. All I got for a bitch is blood in my package capillaries. I heard cap in every line of your verses, muchacho. Raro, háblame claro, you a pájaro, smoke you like Miss Crabapple. Got a little change, went to the spot to holler at Bapo. Went nuts with the cane, now I rock a top hat and a monocle. My bitch queefing Moscato, you might see me copping trees in Cabo. But my nationality is Flexicano. Heard the competition dead, it's best the less that I know. I go batshit over F shit, this is extra guano. Used to pull up with string cheese to Jimmy Jazz. Now I'm doing swell in Bloomingdale's with many bags. Wow. Many, many, many men wishing I had the penny pinch. I'm prevalent, you see the tie around a Pirelli thin. Wow. Look, them guys fell flat, now we back with the aura. Knowing a dollar sign could change laughter to slaughter. Put my cash in the water, rinse the blood off. You missed the cutoff, get the fuck off, but ain't no love lost. My shit hitting in Karachi, feds lying saying I caught a body. Nah, I don't know nothing about nothing, copy? You see me walking out the bank doing origami. Ain't come up like Ricky Schroeder, my spoon wasn't shiny. Now they let the record spin, hold up, rewind me. When the sun doesn't shine, here's how to find me. I'm dancing in the rain like I sang R&B in the 90s. I'll probably be in Peru when they reading your eulogy. Bumping diplomatic immunity, I'm living out my jewelry. Choosing feasts, you get nailed for thinking of screwing me. My shit kicked back like when Charlie Murphy had Red Unity. Beautifully, put down a can. El rapper Cray Maple, directamente desde New Jersey, con ancestros colombianos. Sigue sumando trabajos compartidos con beatmakers de referencia para él, en este caso recién estrenado su trabajo con Evidence, de los míticos Dialed Peoples, War, Cash, Es el título de este trabajo a medias entre Evidence y Cray Maple, y escuchamos el track titulado Karachi. Material de la rica escena francesa. Slimse es un rapper que, aunque opere desde Francia, tiene también pues orígenes guineanos. Ha formado parte de la Ligue des Ombres de Senegal, y ahora en este principio de 2026 se acaba de lanzar un EP con el dúo de beatmakers Datrikas. Mais il faut nada, chroné pour un diable, j'ai pas l'estime, faut qu'il y a où je t'agne. Soissons, Sétienne, Chambre es el título del trabajo cortito, 5 temas de Slimse con Datrikas. Quizás estamos acostumbrados a que hagan producciones más electrónicas, pero aquí se adaptan también pues al MC de turno. Y concretamente escuchamos el track número 3 titulado Kos Bokub. De la bofia, sigo con la misma historia, flores verdes. poquito de escena local de Barcelona. El rapper Ula Da Hope, también conocido como Dr. Master Sound, prepara un nuevo trabajo titulado Dr. Ama. Y este track, Dime Dónde, es un adelanto de este próximo trabajo. Lactus está en el beat. ¿Dónde está él? Apache Contrabanda FM, escuchando también trabajos instrumentales como este último del beatmaker y disjockey británico Giallo Point. Shots from the Corridor es el título de este trabajo, y escuchamos concretamente eso que dice el estribillo escracheado, From the Block. À Tokyo, on n'est pas venu abîmer l'art. On est tous similaires, même si le pays est différent. J'ai passé la sixième sur une autoroute bien pérave. Le monde va trop vite, trop d'histoires insolites. Les jeunes n'ont plus de sommeil, chaque réveil est horrible. Ce soir j'écris ma folie, validé par le chaton. Je viens à peine d'arriver, on est au sud au Japon. Évidemment, c'est très bien qu'on aime ça. Entouré de OG, t'as capté la connexion. Ish est là pour le rap, encore merci pour l'accueil. Posez-moi un ramen, je ferai une dinguerie sur ma feuille. Borderland, il faut que ça rentre. Mon cœur est trop rempli, j'ai pas calculé mon ventre. L'équipe, ouha, ouha. On est en direct de Shibuya. C'est bon, Ish, j'ai reçu le message, est-ce que t'es chaud? My bad bro, I just up and pick the phone. Eh ouais, je crois que c'est le moment de faire les choses. But blow down in the bed, already set the tone. We ain't talking too much, we go rap about it. To be my water's a kaiju, tomato malik. Come shoot, come on, only still a match and I miss. Come in summer, gotta come out, then it's cut the rice. Honky dash that a night hyphen. Don't scream it, demon tiger. The color mic, my respect, it's still a hiker. Lime suit, I've been a kaiven. Oh my god, mush a shit, the eyes. Call top, it took your life. Mugen no kana, jack a life, same to nanny kaiju. Hosha no, beat the flow, gala, my let the kaiju. Life's a bitch, and I'm in it. Hala no naka, kala kick it. My little boy, you are so ambitious. I drink your potion to be demigod. El rapper francés de Mi Porción, desde Set hasta Tokio en Japón, junto al rapper japonés Ish One. Shibuya con SH y con Y es el título de este track. Tienes el clip también en el tubo. Y Team Too Much en la producción. My beat, so I'm rhyming to it. Sat back and watched y'all eat. So now I'm sliding to it, kicking free, flooding the street with a new line of music. Getting my shit off with heavy lifting like a power spinoff. I dig it. My beats are than the Chinese arithmetic, putting medicine to rappers, but I seem to get them sick. So what? Deal with the fact I ain't playing the joke, and I'm shanking and poking, I'm toking, the smoking, the choking, your dome and all in one motion. This is how I shock shit, cause every topic that is spoken of, I'm in the topic. Back them down with consistent heaters to make the block sick, to walk away with honor and respect that the locks get. Y'all thought that the kid was just a DJ, you're sadly mistaken. Not my fault, you're not tapped into the heat I'm making. Get on your game like COD, it's me, yo, me. Get into the DOE like I'm B.O.B. It's COC, nothing outdated like old cred. I go shred your homestead in Jersey like I'm old red. Pop my shit and back it up, swaggy like go ahead. Smack dab in the middle like the song said. My cornbread, I'm petty like Miss Betty on the four meds. Wiping her forehead like she got four heads. When she bop to the kick and pre on that woo like Wizard B, then she out the spot. Creeping like a slow red moped. Don't talk to me silly like Willie. You made me go back to the days when I rode Billy on Kingsbridge Terrace. The time when the cherish big truck spinning the block like a Ferris. You're welcome for my service. Big fella named Curtis in the club digging my verses. Kid rehearsing stronger than a thousand curses over a thousand hearses. You could do a thousand searches, whatever your circus. Just be careful to not move nervous, cause I'm like that. Now the bitch and I will fight back. I'm easy on the eye. El veteranísimo Kid Capri. Too much cute shit for the gram is back. Tú dirás, hostia, pero este tío no era DJ. No, no, no, también es un rapper de, vamos, de... que se pule a unos cuantos, el tipo. Es lo que tiene, pues eso, tener las cosas tan claras dentro de los elementos del hip hop. Y bueno, pues Kid Capri, toda una leyenda en activo en el hip hop estadounidense, haciéndose este freestyle titulado I'm Like That. Really like that, yo. Yeah, yeah. I'm really like that, yo. Sold out, Boston Garden, Madison Square. Road traveling, 100 shows, average per year. Remember hard conversations with wifey having a hair. Is this rap thing a hobby or is rap a career? Deleted songs, rewrote verses and re-vocal. Toured global, switched SIM cards and T-Mobiles. Paid lights, water daycare, my car totaled. Home local, worked at Toys R Us, Barnes & Noble. I'm a rarity, with sincerity, give clarity to those that can't afford therapy monetarily. Showing off, having their money thrown in the air to see. While I've been the heir to the throne since there was in me a journey. Bad record deals, they try to burn me, almost ended. But we stay independent like we were Bernie. If the president was Rakim and his attorney was premier and the Senate had Kendrick, they would confirm me. You could win over and over, then fail again. The testament, learn when you fail until you win. On the outside, alive, inside, dying within. But in the end, you not trying's the only sin. You could win over and over, then fail again. The testament, learn when you fail until you win. On the outside, alive, inside, dying within. But in the end, you not trying's the only sin. If you can and you sit and please stand as it introduces the lyricist and producer, just raise your hand and salute us. Interviewers, lights set up, cameras panning the shooter. Strictly Business, CBS 60 Minutes, Anderson Cooper playing a scuba dive out in Bermuda. Cancun, Aruba, from a kitchen can of tuna. Spear fishing, salmon and grouper used to shoot us. Now they maneuver, moving hands on computers. Once they follow back, Instagram models scamming the hoopers. Three today, new ETA to land sooner. Expose y'all like TSA x-rays that scan through us. How they flew us to how we get paid us. Ran through us, Vancouver, winter, Mercedes Sprinter, Van Uber on the internet. People post their ops got smoke. Hear voices without Rolls Royces, the block got ghosts. Do people open the door when the cops knock? Nope. Around here you can get smoke for a knock-knock joke. You could win over and over then fail again to test the men. Learn when you fail until you win. On the outside alive, inside dying within. But in the end, you not trying's the only sin. You could win over and over then fail again to test the men. Learn when you fail until you win. On the outside alive, inside dying within. But in the end, you not trying's the only sin. You could win over and over then fail again to test the men. Learn when you fail until you win. On the outside alive, inside dying. Más material estadounidense. Stu Bangas en la producción, otro veterano rapper pero más joven que Kid Capri, Wordsworth, de la cantera del Lyricist Lounge de finales de los 90 en New York. Tienen un disco a medias recién publicado que lleva por título Chemistry y escuchamos el track titulado The Only Sin, donde encontramos también pues las rimas extra de Rusty Jux. If I come to your place, you know I'm gonna marry her, you're bluff, huh? Don't you? Huh? And if you're ready for me, you can call me Mr. Five, so I'm gonna run. J'ai le lion et le big chain. Noir et spirituel comme les Antilles, mais sans les big chains, j'arrive avec les secrets comme un templier. Finesse et sous secret, jeune, je me sens comme un banquier. Chaîne en or, mais les techniques du micro d'argent. Les manchéries te cassent la patte ou te brisent la jambe. Aïe spirituel, mes pieds touchent même plus le sol. C'est négro, c'est des langues de vipère, c'est des tomes, j'ai du sort. C'est des snakes, c'est des serpentards. Pour m'avoir, faut 50k. Qui lui mit comme Osiris, qui lui mit comme Shekanta. J'ai une rasta au micro pour la conso un litron. Différents chichons, eux-mêmes de différents microns. Gros Woody, sans ton cas, gros j'allume pas d'OCB, j'donne pas un sou à Bolloré, il en fait déjà à Dakar. J'découpais tes dépannés, Fox et Negro, ils sont pas nets. Je Lyon, Freeze Corleone, Didier Drogba, Sadio Mané. Comme le tonnerre, on fait pas l'étonner. J'suis au sommet, donc les tops font que michetonner. J'allume un donut, ça passe, le Seigneur m'a donné. J'écoute pas, j'étonne, on m'a dit, faites m'étonner. J'arrive en balle comme le tonnerre, on fait pas l'étonner. J'suis au sommet, donc les tops font que michetonner. J'allume un donut, ça passe, le Seigneur m'a donné. J'écoute pas, j'étonne, on m'a dit, faites m'étonner. Le vieux chêne et le jeune lion, 2-2-1, 2-2-5. Statique, j'fais 2-2-1, Kali, j'fais 2-2-5. Rotaire au volant, j'crouse, vitesse de croisière. J'cours après l'or et l'argent, comme si j'étais troisième. De Dakar à Abidjan, on s'allume comme des Rasta. Flow, c'est comme des cascades, yos japonais comme des Mazda. Dans le studio négro, les gros joints de Kali pur cogne. Derrière la ligne, j'mets les 3 points. El titular de este track Porsche Panamera es un rapper llamado John Lyon, que es de origen africano, desde Côte d'Ivoire, desde la Costa de Marfil, nacido en Abidjan, y acaba de publicar su nuevo trabajo que lleva por título el Babylon Brawl. Y aquí en este track, también con título numérico CatCat 6446, tenemos a Freeze Corleone en las rimas extra. Y ambos aprovechando una instrumental de Brutals y Captain Dreddy. Tell me about the date. Well, he called me, actually, and I explained to him that I had a friend coming in town to visit. It was her first trip out here, and he insisted that she come along. He was really nice well, about was it. That was very nice. It was wasn't really it? Nice. Yeah. How come you invited her friend? Why are you such a nice person, Terry? Well, I just figured, you know, one out the two had to look good. So. Oh, backpack. KBR. Look, you gotta look at the game from my point of view, cousin. Move the discussion. Too busy screwing up the function. Green 20s, pink 50s, blue 100s. Niggas cucking over her shoulder. The bitch texting, we been fucking. Didn't know that it was yours. When it rains, it pours. Off the record or on record. It appears that I did this thing before. I'm with a bitch, you know she short lucky. Fine busty, off the red wine lusty. More money, more problems than it must be. Them niggas trying to kill you for the power, plus greed. I rarely puff weed. Young niggas saying they smoking dead. Dirty with a gun, it ain't even over bread. Dr. Doom, Dr. Phil, I need to talk with Ted. When in the rooms, it ain't no space for like the elephant. Rock, rock, fuck out of here. You don't gotta call me tonight, bitch, I'm getting this money. Hood clicking all night, G around if shit get ugly. These niggas is non-factors, actors can't get nothing from me. Pardon if you feel like I brag. They got a nigga back in his bag. Play your part, she know I ain't playing no games, though I've been a player from the start. Broke her heart, but she be alright. She knew the error in my ways was dark, I had to see the light. I was feeling myself. El productor neoyorquino Bob Rock y su track Heartbreak Hotel Staff Meeting, con las incomparables rimas de Eddie Kane y Rom Streets. Text me unless it's something sexy. I'm anti-social. Bus moves, I'm never local. Start tripping and I don't know. Prada on the sweater and the coat too. I put it on. Your shit get dust on the shelf. They never put it on. That shit off putting for years. I've been putting on. You think they love you better? I'm something like a phenomenon. You don't gotta call me tonight, bitch, I'm getting this money. Hood clicking all night, G around if shit get ugly. These niggas is non-factors, actors can't get nothing from me. Pardon if you feel like I brag. They got a nigga back in his bag. Our flowers so we can smell them. I'm built different. They'll appreciate it later. That's how it is. Not everything that weighs you down is yours to carry. So I keep my carry-on light with things that are necessary. Like extra white tees in case I spill a Bloody Mary. Them tales you speak's a bunch of fairies. You ain't chopping work, you're just chopping Tinkerbell fairy dust. Stop crying over spilled milk, acting like a dairy klutz. Showing your true colors, I appreciate that. Thank you very much. I extend an olive branch and you threw it out having a Hail Mary fuss. Didn't know Rosa Parks, but I always sat in the back of the bus. As a young pup in chucks and a hockey jersey, Vancouver Canucks that I stole out of a garbage truck. Had some bad luck, then eventually turned to good luck. While these niggas stay stuck telling jokes like they out in yuck yucks. I'm a springbok lipping over these numb nuts. Kept my eyes wide shut when I'm dealing with whores. If you don't shoot your shot, you'll never score or buy Michael Kors. You on your way out through the door. Exit, don't let the door hit you on your way out. You on your way out. Yeah. Give and go, yes and no, maybe so. I supply a bunch of blow. Take my talents off to Saratoga Springs. Rubbing shoulders with the wealthiest millionaires. Yes and no, maybe so. I supply a bunch of flow. Take my talents off to Saratoga Springs. Gambling horse racing with the elites. Having mineral baths for our dates. Bees don't waste their time explaining to flies that honey's better than shit. Kept my mouth closed when I got pinched, and I ain't flinched an inch. You on the other hand switched, and I'm convinced you tried to dethrone the crown prince. I see the clues and hints. It was written, I seen all the prints, and I haven't seen you since. But lifestyle sipping, monkey 47, I ain't sipping with chimps. Take a glimpse of the black Shakespeare pleading my case. El enorme talento que podemos encontrar en la escena de hip hop en Canadá. Aquí dos de los nombres que más respect tienen en Distrito Apache. Uno en el lado de las rimas es un rapper llamado Dante, D-N-T-E. Y en la producción encontramos a un tipo llamado Imperative, acabado en V y con apóstrofe entre Im y Perative, si lo quieres rastrear por la red. Saratoga Springs, este track a medias entre estos dos artistas canadienses, que cuenta también con el apoyo vocal de Elvis. Alone in the middle of a raucous crowd, drinks are flowing, food is being devastated. The music is loud, the lights are low. I'm dressed in the latest fashions, my hair styled to perfection. I have a big car, an expensive wardrobe, a luxury apartment. I travel, I spend. I lead what is known as the good life. I know many people. Why do I feel like a traveler in a land of strangers? This hedonistic life has grown old, one party after another, going from woman to woman to woman. I feel trapped in it now. I don't think I could settle down to a normal life, one with a home, with one woman. I don't like my life as it is, but I'm scared. Certain about sharing a home, sharing with myself. Escena japonesa, el disco a medias entre los beatmakers Bookseed y Death Channel 9000. Beatdown es el título de este trabajo instrumental y concretamente escuchamos On the Wall. Avec les zones, ne ramenez que la douleur. Je voulais un pote, pas de boussole. Je voulais plus faire un boussole. Alors j'ai parlé sur ces lives pour montrer que j'étais tout sauf une dérangée. Moi j'étais juste comme vous. Moi j'étais juste en quête d'amour. Vous vouliez juste vous en foutre. Je me suis glissé sous vos pouces pour attirer vos attentions. J'ai mal capté vos intentions. Vous vouliez me baiser en outre. J'en ai sûrement un peu trop dit. Je me rends compte quand ça crie salope. J'ai peur de l'ombre dans le rétro. Quand je vois un homme qui me talonne, j'aurais dû fermer ma gueule, fermer les yeux, serrer les dents. Car maintenant je préfère. faire être seul, être au milieu de tous ces démons. Putain, je hais ces deux mondes. J'aimerais que Dieu me vienne en aide. J'aimerais maudire les écrans tout autant que la race humaine. J'avais un cœur en diamant, ils l'ont pourri, j'étais par terre. Alors ce soir, je saute du toit. Je sais qu'il y aura que ma mère au cimetière, ouais. Y'a plus de manière, ça commande tout, même que ça raffole. De toutes ces carrières qui s'essoufflent avant qu'elles ne décollent. Y'a plus de barrières, ils, elles et elles sont yèges. Tu les lis et tu ris, cous, et tu DM ton ex. C'est lent et long le temps que l'excellence longe l'ombre de la bêtise excédente. C'est vrai que c'est chiant de te caler sur une pique hors ligne. Qui est-ce qui est digne et qui est-ce qui tapine? La morale étant dans chaque bouffe, du coup chaque poste que n'importe qui compose. Les arguments qui s'empilent s'opposent. Titrés ce sont roses aux sessions, plus de cerveau. Y'a plus que la vitre dedans, c'est vide, tu peux scroller. C'est le rôle donné à tout le monde. T'étais trollé, hein, que c'était drôle. Quand t'as foutu le camp, l'histoire se répète, on se RT. Et ce texte raté, et perdre des mots, des en scred. C'est plus les mêmes pour une photo de Zola. Je décolle jamais, j'atterris. Savoir aguerri, j'avais moins de problèmes à l'époque de Snake. Sur le Motorola ou bien le Blackberry, chonné aux portes. Aujourd'hui c'est plus pareil, j'ai les outils. Les machins, les appareils, j'ai imprimé le sourire de ce parti. Capturé avec l'appareil, je peux que rouler un gros. Elle vend ses pieds, touche plus que le médecin, c'est ingrat. Je suis dans la vraie vie, je suis pas dans les stories Snapchat et Insta. Je les vois parler avec un robot, je vois la connerie passer un stade sur les réseaux. Y'a des variations, combien de têtes filtrées sur les photos. Je préfère le fumer avec les poteaux, nique leur électricité, leur radiation. C'est l'histoire d'une icône de cette génération qui croit être une idole devant tous ses grands. Mais quand il quitte la toile, que ses yeux s'empuent devant l'écran, on voit qu'il regarde que le sol, qu'il est moins entreprenant. Allez merde, pas de bol, je crois qu'il y a des gens qui l'ont reconnu. Quand il a pris trop d'alcool, il devient moins reconnaissant. Il se vautre dès qu'on l'abandonne, il appelle ça TikTok. Pire, il se vante d'être un bonhomme, j'appelle ça dystopie. Il se vend et fait l'homone, sort fumer une petite clope, puis tirer un peu de coke. C'est peut-être moins dangereux que parler toutes ces heures avec des personnes dont tu aurais peur. C'est sûr, tu mens quand t'es heureux. T'as tassé toutes tes frayeurs dans ton cône. M'envoyez rien ce soir, je suis hors ligne. J'aimerais contrôler ma vie, je rêve d'une mort libre. T'exposes ta vie au compte leur profil, dissimulé comme les cerfs sur nos photos de profil. Je crois qu'ils m'apportent rien qu'ils gênent. Ils nous ont lobotomisé, qu'est-ce qu'on ferait pour plus de gel? Prendre en photo tout ce qu'on mange, putain c'est quoi cette ville? Passer son temps à se plaindre pendant que beaucoup... Desde la escena de hip-hop de Suiza, je crois pas que ça nous rappelle. El colectivo audiovisual Band Passant. Je me suis jamais senti aussi seul depuis que j'ai 3000 amis. Ils veulent juste qu'on s'isole, tu fasses une croix. Ahora también en formato musical. Vie défile que dans nos fils d'actu. Si je brise la vide, serais toujours pris dans leur dictature. Traitez-moi de boomer. De su EP titulado Rosso, escuchamos este track colectivo llamado, titulado Torti, donde tenemos las rimas de Elad, Carredard, el Peps y X. Plein d'idiots nuisibles comme des insectes. Plein de puceaux frustrés, donc y'a v'là le sexe. C'est malsain, ouais, y'a de quoi s'offusquer. Putain, c'est clair. Ça sent le cramé, ça vient du faussaire des gosses. Comme s'il fallait les condamner. La bêtise comme le cancer se développe. C'est quoi, protège tes proches, protège les principes, c'est mon foyer. Je les porte sur mon dos comme la torture. Viens pas nous comparer, c'est de la torture. De nos jours, tout va trop vite et la raison s'absente. Moi j'avance à mon rythme sur la bande passante. Encore un soir où je m'endors dans le pot de rat ivre mort. Qu'on faut pas réseau et trafic de drogue. Les insultes en sueur. J'vaillite les entreprises et groupes à des influenceurs. Me fous des effets de groupe. J'reçois plus de joyeux anniversaires depuis que j'ai zappé Facebook. Et j'garde Instagram que pour mater des boules. À mes débuts, y'avait Skype, Blog et MSN. J'croque les réseaux sociaux, j'ai jamais aimé ça. De toute façon, y'a que des failles qui t'échappent dans mes messages. J'ai pas de gratter des likes. Attends. Plutôt je commande la drogue sur Telegram. La vie t'a baisé à travers OnlyFans. On retrouve tes ébras. Attends que je télécharge un réel par une fenêtre Windows. Va dire aux sœurs qu'y'a rien fin d'être Michto. Ouvre tes yeux, tes miro. J'apprécie peu la presse people. Débranchez-moi si je demande un chargeur. Tendez-moi un désert, eagle. C'est possible de ne pas avoir un téléphone, c'est possible de ne pas avoir des réseaux sociaux, par exemple. Je vous en parle même pas de téléphone. Ils font autre chose, le temps que d'autres passent devant un écran, ben, ils peuvent le passer à faire de la musique, faire du sport, à peindre, à s'ennuyer. C'est très important de s'ennuyer, on a aucun temps pour s'ennuyer. Il y a la drogue, il y a l'alcool, et il y a les téléphones aujourd'hui, les réseaux sociaux. Il faudrait que l'on prenne un petit peu conscience. Nigga, murder mags on the beat. Yeah, I'm sick of niggas. I could get real specific with it. Thought they was masculine rapping, but they was really bitches. Kings, lords, and misses, but niggas really misses. Peace sitting down, do it when they ain't even shitting. Nigga, don't want the heat, don't leave me in the kitchen. Respectfully, I be truth telling, but I ain't even dissing. I'ma be me until the casket ready, full envision. I don't follow rules, regulations, and none that bullshitism. I did he buy for the Christians and niggas who follow Judaism. Islam, this arm swung on jury victims. A temporary system, they mentioned where we hit them. Headshots, reporters, newsflash, is how we clipped them. Y'all knew the records was garbage, way before you mixed them. Ain't nobody doing a quarter of what the six done. Bad seed, six man shit, you can't hit some. Come back with some fists or a gun whenever you get one. It's non-negotiable. I don't know what I'm supposed to do, but I won't sell my soul for you. No, no, no, no, it's non-negotiable. No, no, no, no, it's non-negotiable. Yeah. I don't know what I'm supposed to do, but I won't sell my soul for you. No, no, no, no, it's non-negotiable. No, no, no, hell no, it's non-negotiable. Yo. I'm authentic, no knockoff. Been that way all of my life, what would I stop for? I stand against the shit these niggas that sell they pops for. You need niggas like me, I'm like the watchdog. It's about principles with individuals. Give me my respect first, I don't cater for residuals. I would diddy bop at the White House in interviews. Book bad seed, then you should know what you get into. Bar work, aggressive, cause I ain't up in this bitch. El rapper neoyorquino The Bad Seed. Y este nuevo track suyo titulado Non-Negotiable, donde el productor Mardamex se atreve a samplear una popular melodía que aquí en Europa quizás es demasiado conocida y que quizás nadie se atreve a meterle mano. Pero bueno, ahí está la falta de prejuicios que da la distancia. Know what I'm supposed to do, but I won't sell my soul for you. No, no, no, no, it's non-negotiable. No, no, no, no, hell no, it's non-negotiable. Six man. Yeah. Yeah. Big six man shit. Turn that shit off. Por ahí, copi. No me lo puedo creer, loco. Tenemos torrada de tonto cogido. Madre mía. Tenemos fiesta con las pintas que me lleva. Qué pesado. Hemos empezado con el flequillo para atrás. Tuve que estar bombazo como está cerca otra vez. Soy la droga, soy veneno. Yo soy la droga, puta, yo soy. lo que tengo. Dice que estamos sobrevalorados solo por ser tías y su artista me ha escuchado solo rapea tonterías, por eso me saco la... También recién estrenado directamente desde Málaga el nuevo álbum, álbum largo con muchos temas de Faena. Un track, el que estamos escuchando, que lleva por título Malas puñalas les den. Si escucháis la letra ya sabéis a quién van dirigidas esas puñalas. Tensei One está en la producción y el nuevo álbum de Faena lleva por título Hasta mañanita, si Dios quiere. Sip, lick and flip my words up. Twist the herb up. Get lifted and see the big picture. They be acting like they spish. This close to this. I heard your lyrics. Barely flu sick. I got a syndrome. While people gossiping, I'm dropping in unexpectedly. Yes, it's me nonstop with no oxygen. Keep speaking my name. I'm coming in the game, locking it. Pocket and profit. I'm on top with this. Everybody worries what I'm doing, where I'm going, what's the plan. You wanna know? Go and cop the diss. Block the strip. I cop and flip pocket stick. Acknowledge this, I gotta pop the piss in. Who's frontin'? You know I keep keeping on the snooze button, the one you keep sleeping on. Just for that, bang, listen till your speakers blown. Keep opinions to yourself, I don't need them, no. I'm so Michigan in my cojones. Go on, sick beats that I flow on, they so strong. Voltron, Mickey Rourke arms, lightning bolts on them, torch y'all. Forfeit, stick a fork in them. Smoke like a chimney. Like a millipede, make sure you just gon' remember me. Spitter of the decade, verses for a century. Reverence the highest of praise when just mention me. Ball work top of the shelf, smoother than Hennessy. Hammer with me, I'ma do more than protect my energy. Level headed, f***ing off purse, I need some levity. Got the bitches stealing the glance, I'm a celebrity. Connecting dots, talk nice when you mention me. Coke from the Badlands, hammers out of Tennessee. Rappers lying, they ain't half of what they pretend to be. Retornamos a la escena de Estados Unidos. El productor Kut Kwan. Lo de Kut te lo pones con K. Si lo quieres encontrar, y su último track producido llamado Big Picture, donde encontramos las rimas de Substance 810 y de Bro Dillinger. Slim noir, ouais, cauchemar. Squelette teinté d'ocre, bridé depuis le bavoir. Apprend que la bouffe vaut de l'or. Dans le silencieusement quand il marche, homme pressé en marche de progrès. J'entends les cris de ta cravate et nous le nœud qu'elle a formé. Laisse parler tes sentiments, certains savoirs nous desservent. Nos connaissances nous soumettent à agir d'une certaine manière. Les mélomanes du langage de la vie ont compris la recette. Les élucubrations des gens mal informés ressortent de leur tête. Et si la liberté est accessible, elle demande du mental. Elle a souvent couru dans les champs, pleuré dans les chambres. Mitraillé du regard ou converti des potes. On est tous dotés d'un cabri qui saute et d'un lion qui dévore la connerie des autres. Une vie un peu trop étriquée dans un 5 mètres carrés. Des pâtes pour chaque dîner, c'est ça qui te fait rêver. Déambule jusqu'au métro, en retard au boulot. Pense déjà à faire dodo quand les autres sont à l'apéro. Oh, sur ton dos un patron, pas trop de compassion. Plus d'heures sous tension, esclavagisme sans pardon, quoi. Plus d'heures, ouais, toujours plus d'heures. Smicard, rejoins les zonards. Les samedis lèvent le poing, brandis fier l'étendard. Ouais, grandis, tu ne peux plus être témoin. Rempli de vie, ouais, tu pars très très loin, hein. Freine les idées inculquées dans le crâne. Trame de nouvelles pensées moins infâmes. Drame quand les grands veulent t'apprendre à être une dame. Oh, transpire dans tes textes avec ton âme. Nique les connards qui me brident. J'ai jamais essayé de réussir avec frime. Ramer dans les vagues de la rime. Maintenant c'est comme ça que je m'exprime. Pourquoi trouver un travail qui te comprime, hein. La liberté a souvent couru dans les champs, pleuré dans les chambres, mitraillé du regard ou converti des potes. On est tous dotés d'un cabri qui saute et d'un lion qui dévore la connerie des autres. Fliege, fliege, slalom durch die hohen Häuser meiner Stadt. Outfit komplett grün, ich lass mich treiben in dem schönen Sand. Während ich so glätte, nimmst du plötzlich meine Hand. Was soll das, yo, kennst du nicht den Plan? Être jeune pour toujours, flotter éternellement. Regarde de loin où nous nous trouvons à présent. Combien de dimensions nous échappent chaque jour. Une vie entre des saluts du bureau dans un système piégeant. Laisse-nous plutôt ressentir ce qu'a écrit entre ces lignes. Par exemple, l'univers que je retrouve derrière tes yeux. Je ne vois que de l'amour pour le jeu de cette scène de vie sur laquelle nous pouvons nous faire un plaisir. Pass mal den Joint und lass dich mal noch einrollen. Weißt du noch, was du tun wolltest oder was du sollst? Am Kinderfenster stehst, von deiner Zukunft träumst und den Kabel in der Ferne siehst, wie sie glitzern zerstäubt. Mélodie Doremi face à l'acido. Des soldats rythmés qui ont mis toute la France sous lacrymo. À l'époque où les vents du règne, ils te font croire qu'ils te vendent du rêve. Ouais, hein, ils te font croire, ouais. On a l'écran, on est à cran. On veut plus trop mater l'écran. On veut plus vivre les conséquences de la politique à Macron. Peut-être qu'un jour j'irai voter, mais pour l'instant je suis révolté, ouais. Fier, je suis révolté. Ça veut pas aider les gens pauvres. Ça veut faire payer des impôts. Se réveiller sur ses français. C'est bien ça, les soucis français. Ça se plaint devant la télé, le résultat est désolant. Mais l'accident électoral est bien sorti de tes yeux. Non, fera pas de télé. Ils balancent que démocratie. Puis après veulent te faire croire qu'on vit tous sans démocratie. Leur démon grandit. Ici immédiatement, dès qu'on s'apprend du grade, ils veulent te faire payer immédiatement. Dis ces messieurs, la vie en France est délicieuse. Ils changent de disque, les écoute pas, c'est des vicieux. Ça craint ici, ouais. C'est soit tu crèves, soit tu réussis. Époque de guerre, dans ma douceur, je suis comme une Ukraine en Russie. Il faut se barrer de cette société de consommation. De toute façon, si on gueule, on se fera tabasser sans sommation, ouais. Tabasser sans sommation, tabasser sans sommation, bébé. La liberté a souvent couru dans les champs, pleuré dans les chambres, mitraillé du regard au convert. Más material de la escena francesa, directamente desde Toulouse. La liberté a souvent couru dans les champs, pleuré dans les champs. Un grupo de cuatro mujeres llamado La Cercleuse. Et d'un lion qui dévore. Este System Cravat, track que escuchamos de La Cercleuse, está producido por Dexta y formará parte del próximo EP de esta crew del sur de Francia. Hacemos una pequeña pausa en la actualidad musical, más que nada de lanzamientos, de novedades, para meternos en la actualidad de la agenda, que esa también tiene un cierto interés esta semana. Vamos con varios eventos de este próximo fin de semana en Barcelona. Primero de ellos el viernes 20 de febrero, bueno, dos de ellos son el 20 de febrero. El primero de ellos, vamos por orden, digamos, cronológico, el que empezará antes supuestamente, es el que concierne al artista canario Bejo, que viene a Barcelona a presentar su último trabajo, El Interiorista, publicado a finales del año pasado, y que estará presentándolo en un formato muy especial en la sala Paralelsi Santa 2, en la Vinguda Paralel, a partir de las 9 de la noche, en la Sala Grande. 25 euros más gastos anticipada, 30 más gastos en taquilla. También el viernes por la noche, viernes 20 de febrero, pero en otro punto de la ciudad y a partir de las 10 de la noche, un evento llamado Asteroid, que mezcla drum and bass con dubstep, también con rap. Ya sabéis, aquí siempre en Distrito Apache pues somos partidarios de mirar hacia los orígenes, ¿no? Y hacia los lugares comunes de las músicas afrodescendientes, ¿no? Como son los Sound Systems. Pues bueno, en este evento titulado Asteroid vamos a tener a Señor Oka, a DJ Polyphonic haciéndose un set directamente desde Holanda y un mano a mano entre Kaimane y DJ Gale. Además, Saint Javier también, y todo ello a partir de las 10 de la noche, drum and bass, dubstep, hip hop, en la sala La Nau, carrer Álava número 30, con entradas anticipadas a partir de 14 pavos. Y del viernes saltamos al domingo, 22 de febrero, dos eventos también para el domingo. Vamos con el que primero ocurrirá, ya que comienza a la una de la tarde en horario de Bermud. Y es que esta casa donde se realiza semanalmente Distrito Apache, Contrabanda FM, celebra la emisora 35 años de existencia, 35 años en antena ininterrumpidos, salvo algún susto que otro que hemos tenido en algún momento. Y Contrabanda FM celebrará pues este próximo domingo 22 de febrero en su actual casa, en el Ateneo Enciclopédic Popular, a partir de la una de la tarde, ese especial aniversario, ese aniversario número 35, con radio en directo, música, merchandising y pica pica, y algunas actuaciones en directo como la de El Sobrino del Diablo. Todo gratuito, así que si estás por el área del barrio chino el domingo en la hora del vermut, quizás te puedes pasar a saludar y a tomarte algo en el aniversario de Contrabanda FM. Por cierto, si no lo sabes, el Ateneu Enciclopédic Popular está en el carrer Reina Amalia número 38. Y también el domingo 22 de febrero tenemos de nuevo otro evento en la sala La Nau, que últimamente está muy trufada con eventos relacionados con el hip hop. Directamente desde Estados Unidos, Delinquent Habits, desde California, en su gira de 30 aniversario como colectivo, como banda, y que van a hacer varias fechas durante esta semana en Madrid, en Burgos, en Sevilla, y que acaban en Barcelona el domingo. Sala La Nau, anticipada la entrada, 30 euros, como los 30 años que cumplen Delinquent Habits. Y también invitado especial en este concierto, pues otro que MC californiano que siempre es muy bienvenido aquí en Barcelona, como es Sick Jacken. Top tier. This is the type of music that God hears at crossroads. Conversate with the reaper till the plot clears. It's all mirrors, everything is a reflection. When you look inside, you find your greatest weapon. Heart checking myself for new reference. Used to foolishly two-step, was hell-headed. Twist L's medically, learn from bad lessons. Find repentance and progression, or the cycle keeps treading. I'm battle-tested, shell-shot from the cannon clenching. Things I can't expound on got me drowning. Endless sounds of a message outlaw, cause he found his ethics. Hustling him, you throw him a pound, he's out and stretching. Was raised round some henchmen and taught wrongly. Know a couple white boy shooters like Luke Longley. I persevere past the pain, make the song bleed. I persevere past the pain, make the song bleed. I persevere past the pain, make the song bleed. canvas strokes. Culture for the damaged folks. I was posted in the land with no plans or hope. Got to it, this a real nigga antidote. I got to it, this a real nigga antidote. Canvas strokes, culture for the damaged folks. I was posted in the land with no plans or hope. Got to it, this a real nigga antidote. Got to it, this a real nigga antidote. Beatmaker. Y continuamos con la actualidad musical después de la agenda. Ether Gray desde Salt Lake City, desde Utah, trabajando a medias con el rapper de Nebraska, Sleep Sinatra. Juntos acaban de publicar un trabajo de 7 temas titulado Strange Fires, donde encontramos tracks como este Museums in the Hood. Like Thutmose, no, a cracker couldn't come close. Might let the blunt roast. Lately I've been seeking much more. Made a plan and palmed a QP. You never touch those. King Goblet overflowing, nigga. Tell me what your cup holds. He rolling L's with gusto and rock the blood souls. I need it by any means, partner. These niggas cutthroat. I'm trying to hold a Getty Green while making better brush strokes. He was holding plenty peas. Now I heard he way up north. Every day I'm in the field, y'all some house niggas. Burn a spliff to the mind congeal like he out fishing. Ducked a pig and finesse a cracker and got an ounce quicker. Bust a wig, niggas actors, morph about difference. Check my phone for the status of the loud shipments. Pig tried to touch my family, now his mouth missing. I'm confused, wonder how niggas allowing snitches. They ain't thinking, just go wherever the crowd shift. All that rhetoric hollow, my nigga, I need some equity now. They was talking real live, but I bet they won't step to me. Eating blue crab from the bay, I'm out in Chesapeake. Lex Records presents the best album ever created, your bitch. Yeah. En el anterior tema teníamos a un rapper llamado Smooth con la S de dólar al principio. Era un track de Smooth titulado Spark, donde contaba con la colaboración de Young Morpheus. Y este track lo puedes encontrar en el EP Antique de Smooth, un tipo que siempre hace canciones muy cortas para poner en la radio, que ni siquiera casi las puedes ni presentar, las tienes que presentar en el tema siguiente. Profile through the back door. I done robbed niggas, I been back doors. Got a price on the work I was taxed for. We both single rights, so what you mad for? When your mama say you got bad judgment, both gotta pass, I don't pass judgment. Fuck a QP, a whole bag of it. Put my brother on, gave him half of it. All money in, it's the last of it. Why I cut you off, you in back bugging. No pasa lo mismo con este otro MC estadounidense, conocido por su largo nombre como Lord Yamonti Ogbon. Yo prefiero decirle simplemente Lord Yamonti. Pues bueno, Lord Yamonti, que es un rapper que viene desde North Carolina, acaba de publicar un álbum largo de esos, con todas las letras, con muchos temas, con temas largos como este que dura unos 4 minutos, con el sello británico Lex Records. As of Now es el título de este nuevo álbum 2026 de Lord Yamonti. Y concretamente el track que estamos escuchando, que es un tema doble, lleva por título Flower Out, All Expenses Is Paid For. Y concretamente tenemos a Laron en la producción. Okay, pays me my little stinking. Please go crazy when we meet. Okay, she swears she got receipts. It didn't faze me, let it leak. Miss Dominique, why you acting like you got it out for me? Okay, this bitch be trying to link. This shit so crazy, I can't think. Okay, pays me my little stinking. Please go crazy when we meet. Okay, she swears she got receipts. It didn't faze me, let it leak. Miss Dominique, why you acting like you got it out for me? I'm not the one to hate on. It gets real as Adrian Baylon. Bae, I'm on the way, so please don't take long. Can't stay long. Pull out the heels and put that lace on. This for my brothers who locked up using a payphone. What is going with you? I need you maxing out. Fuck is a half amount. She crashing out. Sis, what you mad about? Couldn't see us together back then. What you imagine now? Can't wife no pass around. These street smarts came with no cap or gown. Can't give my girl no LLC. She want a paddock now. I'm famous. Security pat him down before we sat him down. All this wisdom I'm passing down, you'll catch it or not. She too invested, signed with Lex, they invest in my block. Don't hate the player, play the sport, don't drink no Taylor Port, come take the torch. Another slain rapper, front page of the source. I put a rash on child support, I'm getting paid in court. This one for you because you gave support. Okay, this bitch been trying to link, this shit so crazy I can't think. Okay, pays me my loose thinking, please go crazy when we meet. Okay, she swears she got receipts, it didn't faze me, let it leak. Miss Dominique, why you acting like you got it out for me? Okay, this bitch been trying to link, this shit so crazy I can't think. Okay, pays me my loose thinking, please go crazy when we meet. Okay, she swears she got receipts, it didn't faze me, let it leak. Miss Dominique, why you acting like you got it out for me? Class dismissed. Hey, yo, this Millie. And you're listening to the best album ever, presented by Lex Records. Peace, everybody. This is a special ceremony brought to you by that nigga Blue and my nigga Dead. Yeah, shout out to, 'cause one day we'll all end up, and that's the truth. Let me talk to you. See, I don't wanna die. I don't wanna make my mama cry. I don't wanna be the victim of a homicide, and I would never choose to die. So don't believe them if they say that it was suicide, 'cause that would be a foolish lie. I don't want a funeral. I don't want nobody to bury me. I don't need 6 to 8 pallbearers to carry me. I don't wanna be cremated. I don't wanna feel the opposite of being created. Shit, I wanna breathe ages. I wanna add pages to my book of life. I wanna live till I'm pushing like 900, live longer than Methuselah. I wanna see justice done to everyone trying to conquer Jerusalem. And I want a fucking museum for all of my collections, 'cause no man dies with his possessions. You heard what I said, so get that out of your head before you end up dead. Yeah, no cars, no clothes, no expensive homes, no silver, no gold. No fly hoes, no cell phones, someplace no one else knows. Dead. Desde Los Ángeles, uno de los rappers favoritos en Distrito Apache, Blue BLU, junto al beatmaker Dead, firmando I Don't Want to Die. Una declaración de intenciones vitales y un EP que se abre con este jazzístico Death. On sait pas où on va, en vérité, on gagne sans mériter, on part sans ériper, on reste absent. La vie c'est qu'une fois, y a pas de test avant. On sait jamais quand ça arrive, prépare ton tu sais quoi. De l'eau fraîche, ça suffit pas avec l'amour. On n'est pas vraiment sorti de l'auberge, la guerre à court. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, ce serait plus simple d'aller tout droit. J'ai l'impression de tout capter, mais je pourrais pas parler pour toi. On parle de trucs qu'on connaît peu, on veut la baraque vue sur la mer, petit jardin des volets bleus. L'arc-en-ciel me rappelle qu'elle est belle la pluie. Parfois la vérité aussi dure qu'elle effraie la nuit. C'est dur le jour, les yeux plissés, on perpétue des vieux clichés. Pour le reste, c'est Dieu qui sait. Chacun ses soucis et ses sous, faut faire un choix. À un moment, détester rien, c'est aimer tout. C'est le bordel, on l'a déjà dit. L'histoire est longue, pas forcément belle, et y en a des chapitres. Je crois qu'on fait que refaire, tout redire. On s'est promis pour le pire ou le best. Les regrets remplacent tranquillement les rêves de gosse. On nous a parlé d'un festin, il reste que l'os. On est presque proche. On parle en airdrop, on se plaint sans faire le job. À droite, ils avancent pendant que l'ouest dort. On peut dire les mêmes phrases, vivre des belles choses. Écoute avant de mettre pause. On en reparle avant de tout jeter. Passe-moi le sel ou le blé, je sais où je vais. On sait où on va en vérité. Avec ma voix de baryton, la victoire est rarement méritée. Tu veux un truc, moi j'ai plein de variétés. Avec tous les gars qui tombent, la populace est salement décimée. De l'eau fraîche ça suffit pas, avec l'amour t'as réclamé mais t'as rien eu. Et pourtant t'en as fait de la route. L'Eustremont va sortir, aller à couche. Est-ce qu'ils ont dévoilé la source pour m'empêcher de casser ma croûte? On parle de trucs qu'on connaît peu, jamais on ferme sa bouche. C'est pas un 13 titre, c'est un 13 cartouche. Nous on bouillonne intérieurement et puis on perd sa touffe. La chance nous narque, je sais pas pourquoi elle est venue faire sa bouffe. C'est le bordel, on me l'a déjà dit. Et demain quand je serai vieux, je dirai au petit, moi j'ai rappé jadis. C'est pas du son à la Serge Reggiani qui est versatile. Je suis là depuis l'époque des CD gravés verbatim. C'est dur le jour, les yeux pissés, alors imagine le soir. Et puis c'est toujours les mêmes décoctions qui m'abîment le foie. On est passé inaperçu alors qu'on trafique de l'art. Ils ne font que de brasser du vent alors qu'ils mastiquent le dard. Et les regrets remplaceront tranquillement les rêves de gosse. Maintenant qu'on est devenu adulte, le but c'est d'être le boss. Y'en a qui font des followers avec une paire de loches. Je perds le nord, j'ai un cœur de pierre et une tête de pioche. On sait pas où on va en vérité. Je pense que si mille pédigrés veut que l'ADN soit hérité. La langue a du mal à se délier. On ressemble à des fleurs délitées. Comme la fidélité et le mensonge quand c'est lié. De l'eau fraîche ça suffit pas avec l'amour. On se dit je t'aime par accident, on se perd de Mas vue. Escena francesa. Mieux que de reproduire tout leur schéma. Swift, Quad y Sentinel son los artistas titulares de este track titulado Reflex, que va un poco en la línea también del anterior tema que hemos escuchado de Blue con Death. Y aquí Swift, Quad y Sentinel también cuentan con las rimas extra de Melan, Yamoy. Es el tipo que firma la producción. Il en reste à dire, c'est qu'on attire ce qu'on désire, pas que les opposés s'attirent. Je vois nos concerts dans des salles comme des voyages en escale, à la recherche d'un savoir ancestral. Les regrets remplacent tranquillement les rêves de gosse. On veut tous la première place jusqu'à ce que le test se corse. On passe vite le balai quand les doutes parlent. On s'emballe, on entend parler, on s'écoute pas. On peut dire les mêmes phrases, on peut vivre de belles choses. On peut incarner différemment le fruit d'une même cause. Si tu perds, tu te barres, tout se fait. Aller nulle part, c'est savoir où je vais. My bad, you little dickhead. The lying niggas out situation ain't never been dread. The only similarity is being alive than dead. You know the land heard everything the wind said. My earth calling me on WhatsApp. Pump blowing like a runs pack. I can't ever get my duns back. Now provide what I want back. I knock your favorite rapper out with one slap. No need to make the gun clap. But still throw it all away, my nigga, fuck rap. See the opposition and we must act. Three cups of rice with no spice on the stovetop. So God playing throw clothes in your bowl, boy. I made it with the P safely through the roadblock. No scope, it's a dome shot. Speak wicked, get your bro pop. Forget it, father, cause they know not. I'm a sinner and it won't stop. What paradise, twice plus with much ice. Get nice, laying back, speak on my life. The faculties, bubble keys for cheese. Change for better, that be my only vendetta with life. You know my name, we rock Wally's and probably put in pain. For dollar solid me with the wide body in the rain. I say my prayers, face my poems to the eternal flame. Don't make me increase the murder rate. The wave flowing in at a sturdy pace. I'm trying to move my wife into a worthy place. That's why I'm facing otherworldly stakes. Will gangsters ever get to see the pearly gates? My grandmother lays her fingers together in an assertive way. The devil speaking in tongues, but we ain't hear a word he say. Don't even let my name slip out your dirty face. Back when I had the size 30 waist, I was outside swerving Jakes. Don't ask me how the fuck my burger tastes. They all wonder where my food's from. The whole restaurant was ruined. I bought a new one. Word up, yeah, what up now? Yeah, what up? what up, man? Rolled up, yeah. FedEx packages with keys in it. Major niggas, we is in it. Dumb drug, big head niggas bleeding it. Jiggy, New York State Crime Committee, take pity. Larger niggas, they want us out the city. Woke, you grown. Your nose is bloody. Niggas is lucky. Heavy face slash behind the guard. Touch me. See your feline without the swine. What's up, kitten? What's hitting? $200 cat tricking. Watch up now. Get the deep. That's right, boy, get us down well. Funk master, bitch, turn up. My man Cut Killer, you know how he does, keep it real. Pues así, con ese tono serio, reflexivo, de esos últimos temas que hemos escuchado, se despide el Distrito Apache de esta noche. Y simplemente me queda recordarte que si te apetece una nueva edición del programa, cuando te hayas merendado esta o cenado y la quieras fresca y sin enlatar, pues te emplazo un poco al horario de directo del programa el martes por la noche en Contrabanda FM desde Barcelona, 91.4 del dial, o desde las www.contrabanda.org. No hace falta que vivas en Barcelona o alrededores para poder escuchar en directo Distrito Apache. Desde la web oficial de Contrabanda lo puedes escuchar hasta en la Antártida. Contigo estuvo DJ Hum. Ya sabes, si quieres más, te espero aquí la semana que viene. Scratch for that. Yeah. Let's take it back to the old school. Wave your hands like you just don't care. Let's take it back to the old school. Wave your hands like you just don't care. Cause this is the beat jar of the year. In your funky dope maneuver. Keep making noise! Keep making noise! Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre. Jeff, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le. Shit. Rob Bell, now rewind that.